comme le disait Émilie, on a présenté le rapport de la surveillance épidémiologique des TMS pour la prévention par l'exemple du réseau de surveillance des Pays de la Loire. Donc moi, je me présente rapidement. Je suis Natacha Fouquet, je suis épidémiologiste au département santé travail de l'UBS. Et la particularité de mon poste, c'est que mon poste est délocalisé au sein du laboratoire d'ergonomie et d'épidémiologie en santé au travail à l'Université d'Angers, donc dirigé par le professeur Yves Reclair. Donc je vais laisser la parole à Émilie Chazelle, qui est responsable du programme de surveillance des TMS au sein du département, pour qu'il va vous présenter le programme dont fait partie le réseau. Ouais, donc, pour commencer, je vais vous présenter un peu les missions générales de l'Institut de veille sanitaire, ou donc l'IVS. Donc, les missions de l'Institut sont la surveillance et l'observation permanente de l'état de santé de la population. Donc, c'est-à-dire que l'IVS participe au recueil et au traitement des données sur l'état de santé de la population, à savoir par des surveillances spécifiques de certaines maladies, comme les maladies à déclaration obligatoire ou des cancers, ou des surveillances non spécifiques de symptômes ou de syndromes. Il a pour mission également la veille et la vigilance sanitaire, avec ainsi le fait de rassembler, analyser et actualiser les connaissances sur les risques pour la santé, avec entre autres une unité de veille internationale sur les pathologies. Il a également pour mission l'alerte sanitaire, avec comme rôle d'alerter sans délai le ministre chargé de la santé en cas de menace pour la population, et également de proposer des mesures d'action pour limiter et prévenir les conséquences, l'impact d'une éventuelle menace. Donc, l'Institut participe également à la contribution contribue également à la gestion des situations de crise sanitaire, voilà, en émettant ses recommandations à partir des observations en épidémiologie qui sont faites. Et il participe à l'action européenne et internationale en participant à des réseaux de surveillance internationaux, réseaux européens, également, par exemple, en mettant à disposition des épidémiologistes sur certaines missions comme la lutte contre Ebola en Afrique. Donc les différents champs d'action de l'Institut de veille sanitaire, donc il y a les maladies infectieuses, donc avec un département des maladies infectieuses, l'étude des effets de l'environnement sur la santé avec le département santé et environnement, donc l'étude des effets de la pollution, de rayonnement ionisant. On a également un département des maladies chroniques et traumatiques, donc l'étude de la surveillance donc, du diabète ou des accidents de la vie courante ou ce genre de choses. Et donc nous travaillons au département santé-travail avec la surveillance des maladies et des risques d'origine professionnelle. Enfin, il y a également le département de coordination des alertes et qui veille sur les problèmes internationaux, les risques internationaux. Donc il y a des changements qui se profilent pour l'Institut de veille sanitaire, puisque dans la nouvelle loi de santé de 2015, l'Institut va être regroupé avec l'Institut national de prévention et d'éducation à la santé, donc l'INPES, et également les PRUS, l'établissement de préparation de la réponse aux urgences sanitaires. Donc ces trois agences vont être regroupées dans l'Agence nationale de santé publique, qui va s'appeler Santé publique France. Et donc en voie de conséquence, un élargissement des missions de l'Institut avec de la future agence, avec à la fois le champ de l'épidémiologie, mais également de la prévention ou de l'intervention. Pour revenir sur ce qui nous concerne plus particulièrement aujourd'hui, la surveillance épidémiologique des TMS. Donc elle s'est inscrite d'abord dans la création du département santé-travail, à l'origine une unité santé-travail, donc en 98, sous l'impulsion de nos chercheurs Marcel Goldberg et Hélène Imbermont. Et donc au sein du département de santé et du travail, le programme de surveillance des troubles musculo-squelettiques, sa construction a été élaborée avec les expertises qui existaient en Pays de la Loire, dont on a déjà parlé, donc les médecins inspecteurs du travail à Anne Rocher et Sylvie Crène, et le médecin du travail également, le professeur Yves Rocard. Donc, finalement, à partir de ce protocole, le programme a été créé en 2002 au sein du département de santé et travail, et donc en partenariat avec le laboratoire d'ergonomie et d'épidémiologie en santé au travail, donc le LEST, dirigé par le professeur Rocklor à Angers. Et donc le programme, à ce moment-là, a commencé par le réseau pilote de surveillance des TMS dans les pays de la Loire. Donc il va vous être présenté en détail par Natacha dans la suite. Le partenariat entre l'Institut Vec Sanitaire et le LEST s'est encore renforcé en 2007 par la création de l'unité associée. Et donc il y a plusieurs unités associées au sein du département santé-travail. Et l'intérêt de ces unités, en fait, c'est d'articuler la recherche et la surveillance. Donc la recherche va pouvoir orienter les objets de la surveillance. Et également, la surveillance permet d'ouvrir certaines hypothèses à la recherche et également d'apporter des données, une mise en commun de données. Donc les objectifs de la surveillance épidémiologique des TMS, il y en a plusieurs. Donc d'abord la description des pathologies en termes d'incidence et de prévalence. Également la description de la fréquence des expositions des professionnels, des facteurs de risque professionnels, et également observer l'impact de ces pathologies sur le parcours professionnel et la qualité de vie. L'autre axe, c'est donc de travailler sur les déterminants des troubles musculo-squelettiques, et donc que ce soit les facteurs également individuels ou les facteurs liés au travail. Et les facteurs sur le pronostic pour le retour à l'emploi, entre autres, mais également clinique des troubles musculo-squelettiques. Donc avec une partie de la surveillance qui peut se faire en population générale et en population active. Il y a également des travaux pour estimer la part de la proportion attribuable des TMS à des facteurs liés au travail et aux différentes professions. Et donc l'objectif de la surveillance ensuite, c'est de pouvoir être utilisé pour orienter les actions de prévention. Donc, suite au réseau de surveillance des Pays de la Loire, il y a également des études qui ont été menées dans d'autres régions par le programme de surveillance. Donc en Bouches-du-Rhône et en Île-de-France, il y a des études sur le syndrome mycénicien carpien qui ont répété en fait ce qui a été fait en Pays de la Loire et en élargissant certains objectifs. Et actuellement, le programme s'oriente vers des travaux à partir des grandes cohortes qui sont développées par l'INSERM Constance et également par notre département santé travail. Pour les salariés des régimes du régime social donc, qui n'est pas salarié, donc pour les travailleurs du régime social des indépendants et pour les travailleurs de la mutualité sociale agricole. Donc les travaux vont de plus en plus s'axer sur les bases de données issues de ces grandes enquêtes chez les travailleurs. Et pour Constance également en population générale. Il y a également des travaux qui sont réalisés à partir des bases médico-administratives, comme le PMSI, donc ce qui est la tarification en fait, et le paiement des séjours hospitaliers. Et également, on travaille également sur les bases de l'assurance maladie pour ce qui est accident du travail et maladie professionnelle. Donc je prends la parole pour faire un rapide point sur le contexte lié aux troubles musculo-squelettiques. comme ça a été largement dit ce matin, donc, l'état de la constitution des pathologies d'hypersollicitation, des tissus mous, des membres et du rachis qui se manifestent par des douleurs qui peuvent être localisées sur une articulation ou sur plusieurs à la fois. Un point important pour la prévention, c'est de différencier ces affections selon leur durée. Donc selon leur durée, on parlera d'affections aiguës, subaiguës ou chroniques. Il s'agit de pathologies multifactorielles, souvent fortement liées au travail. Et de par leur nombre et leur impact, ils constituent un problème majeur de santé au travail dans le monde. C'est ce que montrent toutes les publications internationales. Un point aussi sur le contexte de transformation du monde du travail, car on peut difficilement étudier les TMS en les déconnectant de ce contexte. En effet, depuis plusieurs années, on observe une intensification, une densification du travail. De plus, les travailleurs sont de plus en plus fragilisés face aux TMS du fait de la précarisation des carrières, de l'individualisation des relations de travail, mais aussi par l'avancée en âge de la population active. En effet, la part des 55 ans, des plus de 55 ans au travail a presque doublé depuis en 20 ans, entre 1995 et 2015. De plus, avec l'allongement des carrières et le recul de l'âge à la retraite, il est indispensable de mener une réflexion sur les parcours professionnels et les conditions de travail soutenables tout au long de la vie professionnelle. Donc, je vous présente ici un modèle multidimensionnel et multiniveau des TMS qui a été développé au LEST. Donc sur ce modèle, on voit qu'il y a des facteurs proximaux, des facteurs de risque proximaux des TMS, notamment les facteurs individuels et les facteurs professionnels, notamment les facteurs biomécaniques et les facteurs psychosociaux. Ces facteurs de risque, je pense surtout au risque, du coup, au risque professionnel forcément, sont largement liés à l'organisation du travail. Donc quand je pense à l'organisation du travail ici, c'est situation de travail. Notamment la prise en compte des marges de manœuvre, du respect des consignes et des procédures. Mais on ne peut pas non plus déconnecter cette situation de travail de l'organisation de l'entreprise, des pratiques managériales qui y sont appliquées. Et de même, cette organisation de l'entreprise est fortement liée à l'environnement économique, social et politique dans lequel évolue l'entreprise. Un autre point, ce qu'il faut noter, ce qu'a commencé à pointer du doigt Nicolas Asfeld, c'est que la représentation épidémiologique des TMS dépend fortement de leur définition. Par exemple, on peut très bien considérer une définition symptomatique, par exemple en utilisant le questionnaire de type nordique, là c'est le petit mannequin avec les zones du corps, excusez-moi, qui permet aux salariés de déclarer des douleurs, une douleur, une gêne fonctionnelle ou une courbature, au cours d'une période donnée de 12 mois ou de 7 jours, et notamment à partir de ce questionnaire, on a développé un questionnaire Eval TMS en lien avec l'ANACT. On peut aussi considérer une définition clinique, c'est-à-dire il faut des symptômes, mais aussi des signes cliniques. C'est par exemple ce que fait le protocole SASA, qui est un protocole de diagnostic standardisé européen. Dont une mise en œuvre a été faite via un CD avec une collaboration entre l'INRS et l'INDS. Une autre chose aussi, c'est ce dont vous parlez, Émilie, juste avant. On peut essayer de définir les cas selon le recours aux soins, notamment par les actes chirurgicaux. C'est ce qu'on fait notamment sur le syndrome du canal carpien, où les actes chirurgicaux sont très facilement traçables. On peut aussi utiliser une définition médico-administrative par la déclaration de maladie professionnelle ou aussi les maladies à caractère professionnel, qui est une obligation normalement pour tout médecin qui rencontre des maladies à son avis à caractère professionnel de les déclarer. Et enfin, dernière définition possible, la définition médico-sociale, qui là va essayer de suivre les cas d'inaptitude, les demises en invalidité ou de cessation anticipée d'activité du fait des TMS. Et on voit que selon la définition utilisée, on ne va pas se placer au même endroit. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est problématique, À partir de quand on considère la morbidité? Si on se classe par exemple ici, j'ai pas ma souris en fait. Excuse-moi. Donc si on se place en bas du tableau, on voit que ni l'individu, ni le médecin du travail, ni l'expert ne voit de TMS. Si on se place entre la ligne bleue ou la ligne rouge, on voit que là, le salarié va avoir une plainte. Au-dessus, le salarié a une plainte et en plus, le médecin du travail trouve qu'il y a un TMS. Et enfin, tout au-dessus, l'expert dit effectivement qu'il y a un TMS. Après, la problématique, c'est de savoir qu'est-ce qu'on considère. Est-ce que la plainte du salarié, on considère ça comme un problème? Est-ce qu'il faut vraiment que ce soit prouvé par un expert? Enfin, voilà, ces questions-là posent question pour le suivi épidémiologique. Donc, les TMS, pourquoi c'est aussi un problème économique important, notamment économique, puisqu'en 2013, les TMS représentaient 87% des MP indemnisés. Donc là, dans cette statistique-là, j'ai utilisé l'ensemble des 5 tableaux qui couvrent les TMS. Et donc, parmi ces 87% de maladies professionnelles indemnisées, 90% concernent le membre supérieur, le membre inférieur et 8% les hernies discales, vu que pour le dos, seule la hernie discale est réparée dans le cadre des tableaux. Il peut y en avoir de réparées dans le cadre des CDCRMP, mais c'est plus anecdotique. Et on voit que, en vert, du coup, c'est la courbe du total des MP. On voit que ça augmente jusqu'à 2011 et ça suit exactement la même tendance que le total des TMS reconnus. Et selon la branche risque professionnel de la CNAMTS, la diminution constatée en 2013 s'explique par la diminution du coup des TMS, qui s'explique notamment par la refonte du tableau épaule du tableau 57A. Et donc, ce qui est important à prendre en compte dans les TMS, c'est pas uniquement le coût des pathologies, enfin le coût médical des pathologies, la prise en charge, parce qu'il y a effectivement le coût direct, qui là est facilement palpable du fait des surcotisations à TMB et du coût d'assurance. Mais il ne faut pas oublier aussi que, et c'est en simple, enfin, l'entreprise a vraiment intérêt à prévenir ces TMS, c'est qu'il y a aussi de forts coûts de régulation liés au dysfonctionnement, liés à l'absentéisme, à la perte de productivité, peut-être à une perte de qualité également, mais aussi des coûts stratégiques liés à des ruptures dans le système productif, notamment de la perte de compétitivité et aussi un affaiblissement de la cohésion sociale au sein de l'entreprise. Et donc c'est en sein que les statistiques de maladies professionnelles montrent quelque chose, mais ça reste quand même la partie émergée de l'iceberg et qu'on voit bien que, comme le disait Nicolas Asfeld, les maladies professionnelles ne montrent pas l'ensemble de l'épidémie de TMS, si on peut parler d'épidémie. Donc c'est dans ce cadre-là que le réseau de surveillance des TMS des Pays de la Loire s'est mis en œuvre, parce qu'à l'époque, il y avait peu de données épidémiologiques autres que les statistiques des maladies professionnelles. Donc pourquoi les Pays de la Loire? Parce que d'abord, les Pays de la Loire sont une région assez représentative de la population active française. Comme en France, il y a 90% des emplois qui sont des emplois salariés. L'emploi industriel représente 17% des emplois contre 13% en France et les employés ouvriers représentent 55% de la population salariée contre 51% en France. De plus, comme l'a dit Milly, il y avait la présence d'expertise locale, donc les MIRT, Annie Touranchet, Sylvie Guérin et Yves Roquelaure, qui depuis 2002 a monté le laboratoire d'ergonomie et d'épidémiologie en santé au travail. Donc qu'est-ce que le laboratoire d'ergonomie et d'épidémiologie en santé au travail? C'est une équipe d'accueil de l'Université d'Angers, labellisée par le ministère de la Recherche. C'est une équipe pluridisciplinaire qui comprend des enseignants-chercheurs de plusieurs disciplines médicales, mais aussi des intervenants venant de l'entreprise, comme des préventeurs, une biomécanicienne. Donc, il y a des chargés d'études. Et l'activité du LEST, en fait, essaye de mêler l'approche épidémiologique à l'approche ergonomique. C'est au travers deux thématiques. La première thématique sur l'épidémiologie et la modélisation des déterminants des TMS. Donc, ça va de la surveillance épidémiologique à la modélisation des déterminants des TMS, à l'évaluation de l'impact socio-professionnel et sur la qualité de vie, et le développement d'outils et de méthodes de surveillance en milieu de travail. La thématique 2 porte, quant à elle, sur la prévention de l'incapacité liée au TMS et sur les interventions de maintien d'emploi, et ceci par une partie de recherche clinique sur la prévention de l'incapacité liée au TMS, notamment à la lombalgie. Ça porte aussi sur des méthodologies d'intervention en entreprise pour le maintien durable d'un emploi et pour l'aide à la mise en place des politiques de santé au travail. Et un des enjeux du laboratoire, c'est une valorisation sociétale des projets. Donc, si on veut résumer toutes ces activités sur deux axes, si on considère deux axes, un axe qui va de la compréhension à l'intervention et un axe qui va de l'individu au collectif, on voit que les activités de la thématique 1 se situent plutôt logiquement vers le côté collectif-population. Alors que la deuxième thématique se situe de la compréhension à l'intervention, mais plutôt vers le bas du graphique. Alors, revenons au réseau pilote. Donc, à la base, en 2002, le réseau a été conçu selon trois volets. Donc, le premier volet en vert sur ce graphique reposait sur un réseau de médecins de soins, notamment des neurophysiologistes ou des chirurgiens. Elle avait pour cible la population générale et comme objectif le calcul de l'incidence et des fractions de risque attribuables du friction de risque attribuable au travail, du syndrome du canal carpien qui soit diagnostiqué et opéré, et de l'hernie discale opérée. Les deux réseaux suivants, en violet et en rose, si les couleurs ne changent pas trop, c'est ça, sont portés par deux réseaux de médecins du travail. Je vais passer assez rapidement sur le troisième en rose sur ce graphique, car donc là, c'est un réseau de médecins du travail pour étudier le taux de maladie à caractère professionnel dans la population salariée, que ce soit des TMS ou non des TMS. Et depuis 2006, si je ne m'abuse, ce programme est maintenant géré directement par le département santé-travail qui en a fait un programme à part entière. Considérant le deuxième volet, donc en violet ici, il porte sur un réseau de médecins du travail et avait pour objectif l'étude de la prévalence des TMS et de leurs facteurs de risque, mais aussi du suivi dans le temps de ces salariés. Donc la coordination régionale du réseau était assurée par le LEST localement à Angers, avec une orientation scientifique faite avec le département santé-travail de l'IPS. Donc je vais juste faire un focus du coup sur le réseau en violet, puisqu'il y a pas mal de résultats qui vont découler de ce réseau-là. Donc la surveillance en population salariée, l'inclusion a eu lieu entre 2002 et 2005. 3710 salariés ont été inclus de façon aléatoire par 83% par 83 médecins du travail, soit 18% des effectifs de la région. Alors les salariés remplissaient un auto-questionnaire permettant de recueillir les facteurs individuels et les facteurs professionnels, biomécaniques, psychosociaux et liés à l'organisation du travail. Et à l'issue de cet auto-questionnaire, il passait un examen clinique avec le médecin qui suivait le protocole SALSA de diagnostic des TMS. Un suivi a eu lieu en 2007-2010 qui a permis de suivre 2332 salariés. Toujours en remplissant un auto-questionnaire et en suivant un examen clinique fait par le médecin. Et là, on voit que de 83 médecins du travail, on était passé à 146 médecins du travail qui participaient au suivi. Et c'était un point sur lequel je voulais insister, c'est qu'en 2002-2005, la démographie médicale n'était pas tout à fait la même qu'en 2007-2010, qui n'est encore pas tout à fait la même qu'actuellement. Et du coup, on se rend compte qu'entre les mouvements de médecins qui changent de service de santé au travail, ou des changements d'effectifs au sein du service, ou encore des départs en retraite de médecins, parce que ça arrive qu'ils partent en retraite aussi, et en plus avec les mouvements de salariés qui changent de travail, on se retrouve à passer de 83 médecins à 146 médecins. Ce qui pose quand même des problèmes de suivi d'études épidémiologiques par la médecine du travail. Du système. Donc, pourquoi avoir fait le choix de concevoir un réseau multicouche comme celui-là? C'est parce que, voilà, on se rend compte, alors c'est pas forcément que des données qui sont issues des réseaux. En rouge, c'est le signalement via les MCP par le médecin du travail. En vert, c'est l'intervention chirurgicale du STC issue des bases de données PMSI. Et en bleu, c'est l'indicateur maladie professionnelle indemnisée pour le syndrome du canal carpien. Et du coup, on se rend compte que selon l'indicateur qu'on utilise, on n'obtient pas du tout le même ordre de grandeur de prévalence. C'est-à-dire que si je prends en 2005, par exemple, là où l'écart est le plus important, la prévalence de MP57, c'est donc le syndrome du canal carpien, était de 1,5 pour 1000, alors que selon le signalement MCP, il était de 5 pour 1000. Tu dis pas pourquoi ? On va dire quand même que c'est toutes les maladies qui peuvent être liées au travail. Parce que c'est pas le même ordre ne sont pas les meilleurs, mais là c'est juste à faire un point pour la différence de indicateurs en fait. Parce qu'on voit que même par rapport, si on prend tous les SCC opérés, alors qu'ils soient d'origine professionnelle ou pas, c'est vraiment l'importance de l'indicateur est vraiment importante parce qu'on n'arrive pas du tout au même niveau selon ce qu'on a. Non, mais sur pas la bouche. Revenons à l'étude sur la en population salariée. Un des résultats importants de l'étude était. Tu peux en profiter pour poser une petite question par rapport à l'indicateur PMSI, c'est de l'incidence de l'acte chirurgical en fait. Tout à fait. C'est l'incidence en fait sur le PMSI, le syndrome du canal carpien est assez simple à détecter. Parce qu'il n'y a que deux codes. Les classifications ont changé en 2005, mais à chaque fois, il n'y a que deux codes. Et donc, du coup, c'est très, très simple à détecter. Et là, il ne s'agit que de syndrome du canal carpien opéré, sans savoir si le syndrome du canal carpien est lié au travail ou non. Mais quand même, restreint à des gens qui sont au travail. Restreint à des gens en âge de travail. En âge de travail. Parce qu'on n'a pas l'indication de la profession dans le PMSI. Donc là, restreint à 20-59 ans, pour être comparable avec les autres données. Donc la prévalence des symptômes musculo-squelettiques non spécifiques des membres supérieurs est élevée pour les deux sexes. Ainsi, 53% des hommes et 58% des femmes avaient souffert de symptômes musculo-squelettiques au cours de l'année précédente. Et 27% des hommes et 35% des femmes avaient souffert de symptômes musculo-squelettiques au cours de la semaine précédente. Et les plaintes étaient particulièrement accrues pour les deux sexes, pour l'épaule et pour le poignet. De plus, on voit, c'est ce qu'on trouve dans toute la littérature, que le taux de symptômes musculo-squelettiques augmente avec l'âge. Donc là, c'était un exercice un peu particulier en essayant d'appliquer les taux de TMS, si on appliquait les taux de TMS du membre supérieur qui est de 12,4% dans la région au nombre de salariés dans la région, on atteignait un nombre total de TMS de 121 000. Si on en considère que 10% sont à risque de chronicité, on atteint un nombre de 12 000 salariés. Et si on considère que 1% sont lourdement invalidés, on arrive à 1200 salariés lourdement invalidés par un TMS du membre supérieur. De la même façon pour les lombalgies, alors là il s'agit de lombalgies déclarées par les salariés parce qu'il n'existe pas de. enfin le protocole SALSA ne permet pas de diagnostiquer la lombalgie. Du coup, si on considère la lombalgie au cours des 12 derniers mois, il y avait 560 000 salariés potentiellement touchés par une lombalgie, ce qui représente 5 600 salariés lourdement invalidés si on considère que 1% deviennent lourdement invalidés. Donc on voit que le poids des... Quand on traduit nos pourcentages en termes de population, on voit que ça touche beaucoup de populations. Donc concernant les TMS diagnostiqués, c'est le syndrome de Jacob du rotateur qui est largement devant les autres TMS. Tu peux dire ce que c'est, le syndrome de Jacob? Oui, excuse-moi. Syndrome de Jacob du rotateur, c'est une pathologie de l'épaule. Et syndrome du carpien, du coup, je ne l'ai pas dit, mais c'est une pathologie du poignet. Et du coup, que ce soit en phase d'inclusion ou lors de la phase de suivi, c'est toujours le syndrome de la coiffe de rotateur qui ressort comme le principal TMS, suivi par le syndrome du canal carpien. Et par contre, on ne montrait pas de différence significative entre l'inclusion et le suivi si on ajustait sur l'âge. Un résultat intéressant, c'est que lors du suivi de 2007, réuni en 2007-2010, 88% des salariés étaient encore actifs, dont 86% étaient dans la même entreprise, et 12% étaient inactifs majoritairement parce qu'ils étaient à la retraite. Par contre, on a essayé de regarder le taux d'inactivité des salariés donc, lors du suivi, en fonction de leurs symptômes musculosquelettiques à l'inclusion. Et donc on se rend compte que pour parmi le groupe qui n'avait ni douleur ni qui n'avait pas de douleur du membre supérieur, on avait un taux d'inactivité inférieur à 10%. Alors que pour les personnes qui déclaraient des douleurs mais qui n'avaient pas de TMS avéré par le médecin du travail, ce taux d'inactivité au suivi était de l'ordre de 14%. Et lorsque un TMS était diagnostiqué à l'inclusion, le taux d'inactivité au suivi était supérieur à 20%. Donc un des objectifs du programme, c'est de faire le lien entre TMS et déterminants des TMS. On voit que les facteurs individuels, notamment le sexe et l'âge, sont largement liés au TMS, mais pas uniquement, puisque les facteurs biomécaniques sont également très fortement liés au TMS, notamment au TMS de l'épaule, au TMS du coude, du poignet ou même du rachis. Les facteurs psychosociaux, qui ne sont pas toujours faciles à distinguer des facteurs liés à l'organisation du travail selon les publications, sont aussi largement, très largement même, représentés dans les modèles de risque, notamment pour les TMS de l'épaule, pour les TMS du poignet et pour les TMS du rachis. Et donc, si on va un peu plus finement dans les facteurs, quels sont les principaux facteurs de susceptibilité individuelle retrouvés? Bien sûr, il y a l'âge, le sexe, la corpulence. Un point important, c'est l'antécédent de TMS et le diabète, notamment pour les syndromes canalaires comme le syndrome du canal carpien. Et dans les facteurs professionnels, on retrouve très fortement les facteurs biomécaniques, donc avec la répétitivité des gestes, la pénibilité physique, les problèmes de posture, l'abduction de l'épaule, les frictions extension du coude et du poignet, et les vibrations, notamment pour les pathologies de la main. Les facteurs psychosociaux ressortent aussi assez largement. Donc là, ce qui a été utilisé, c'est le modèle de Karasek et Théoré sur le stress au travail. Et donc, pour trouver des facteurs de risque de demande psychologique élevée, la latitude décisionnelle faible et le soutien social faible. De même, on avait des facteurs liés à l'organisation du travail qui ressortaient largement, tels que le paiement à la tâche ou le fait de travailler avec des collègues précaires et de devoir reformer toujours ses collègues et de ne pas pouvoir compter sur eux. Ce qu'on a retrouvé dans l'étude, c'était que il y avait souvent un cumul des expositions aux facteurs de pénibilité, une surexposition des catégories ouvrières et employées peu qualifiées, une exposition peu modifiée en fonction de l'âge, qui n'était peut-être pas forcément vrai il y a quelques années, et une sur l'exposition des ouvriers intérimaires. Et donc tout ça, on voit que les TMS sont différents, ils sont différents selon leur localisation, selon que ce soit le monde supérieur, le rachis, le monde inférieur. Ça induit des facteurs de risque différents, des temporalités différentes aussi, et des prises en charge différentes, qui veut dire aussi des types de prévention différentes. Donc les grands concepts, rapidement, pour prévenir de façon efficace les TMS, il faudrait une prévention globale et intégrée au sens de l'OMS de 2007, donc avec un volet de santé publique qui permet la promotion et l'éducation à la santé, un volet de santé au travail avec des actions sur les facteurs modifiables par des interventions dans le milieu du travail, donc avec une prévention intégrée mêlant les trois niveaux, primaire, secondaire et tertiaire, et un volet sanitaire qui permet un meilleur accès aux soins et aussi, et surtout d'ailleurs, une coordination des parcours de soins et de santé. Donc, comme je viens de le soulever rapidement, pour la prévention de TMS, comme toute prévention d'ailleurs, il faut savoir sur quels facteurs on peut agir. Il y a des facteurs qui sont peu modifiables, comme les facteurs constitutionnels, l'histoire professionnelle ou l'exposition extra-professionnelle, et des facteurs qui sont modifiables, comme les facteurs biomécaniques, psychosociaux ou organisationnels. De plus, comme j'ai dit au départ, il est important de distinguer les pathologies aiguës des pathologies chroniques, hein, car elles n'induisent pas les mêmes types de prévention. En effet, les pathologies aiguës, donc on parle de moins d'un mois, il y a beaucoup de gens concernés. Les démarches diagnostiques et les traitements sont bien codifiés. Il y a une proportion qui est sûrement évitable par de la prévention primaire et secondaire précoce. Il y a une prédominance sur ces pathologies de facteurs biomécaniques. Par contre, ces pathologies entraînent une fragilisation importante des travailleurs et elles ont un coût unitaire assez modéré, puisque là, on parle de soins. Donc là, ces pathologies aiguës, on peut les traiter par une prévention précoce. Les préventions, la pathologie chronique, c'est quelque peu différent. Là, on a 10 à 15% des cas qui sont concernés. Il y a une démarche diagnostique et des traitements qui sont moins bien codifiés. La proportion est évitable, elle sera évitable que par une prévention secondaire tardive ou une prévention tertiaire par le maintien, par des stratégies de prévention et de maintien en emploi. Une prédominance de facteurs psychosociaux sur ces pathologies avec un fort absentéisme des travailleurs. Là, on n'est plus dans la fragilisation des travailleurs, mais on est vraiment dans la précarisation des travailleurs et on arrive à des coûts unitaires qui sont relativement élevé avec des mises en invalidité potentielles. Et donc là, on est plus sur des stratégies de maintien ou de retour en emploi. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, pour les stratégies de prévention des TMS, c'est d'abord une prévention intégrée de la prévention avec les trois niveaux de prévention, primaire, secondaire et tertiaire, une approche durable et située, avec une approche multidisciplinaire, qu'elle soit individuelle et collective, avec l'implication de l'ensemble des acteurs de l'entreprise, c'est-à-dire le salarié, les préventeurs, le médecin du travail, le manager, le responsable de l'entreprise. Et il y a aussi nécessité d'une approche coordonnée et territorialisée par la mise en place de politiques de santé au travail, par la coordination des acteurs et par des réseaux de soins spécialisés. Donc, en quoi les données épidémiologiques sont utiles pour la prévention des TMS? Déjà, pour mettre en place une politique de santé au travail, il est indispensable d'avoir un état des lieux de la santé actuelle. Cet état des lieux, il passe par une surveillance épidémiologique efficace qui permet de déterminer la distribution des TMS selon le secteur de l'emploi, de déterminer la part des déterminants modifiables, la proportion évitable, mais aussi l'impact des TMS sur les parcours professionnels. Ensuite, une fois qu'on a cet état des lieux, il est nécessaire de fixer des objectifs et les besoins de santé au travail. Cela passe par un pilotage des plans régionaux de santé au travail ou de santé publique et par la contractualisation, notamment avec les services de santé au travail. Alors, enfin, on peut mettre en place une politique de santé au travail par une prévention intégrée avec des interventions et la planification des actions. Donc en quoi le réseau de surveillance peut aider à la mise en place d'une politique de santé au travail? D'abord, il s'agit d'un outil de surveillance Donc de la morbidité, de l'exposition au risque de TMS, du cumul d'exposition, de l'impact sur la qualité de vie, sur les parcours professionnels. On étudie aussi la sinistralité par les ATMP, MCP. Par exemple, dernièrement, en mars, il y a une synthèse qui est consultable sur le site de l'Institut de veille sanitaire sur l'ensemble des indicateurs disponibles sur les troubles musculo-squelettiques du membre supérieur. C'est aussi un outil d'information pour le pilotage de la politique de santé au travail, une information faite auprès des salariés, des employeurs, des médecins, des partenaires sociaux, des préventeurs, des institutions de prévention, des pouvoirs publics. Et ça aide aussi ça aide les institutions, notamment pour la mise en place de recommandations de bonnes pratiques ou encore pour la révision des tableaux de maladies professionnelles. C'est aussi un outil d'aide à la planification des actions de prévention avec une orientation des actions selon les secteurs et emplois à risque. Donc là, en petit, c'est le premier graphique en haut, c'est les secteurs à risque et le celui en bas, c'est les professions à risque, avec en essayant d'estimer un nombre de travailleurs exposés et où on peut essayer de modifier les risques. De plus, ça permet de faire des petits scénarios préventifs, de savoir si on mettait des actions de prévention dans tel secteur ou dans telle profession, qu'est-ce qu'on pourrait vraiment éviter ou pas. Et enfin, ça permet aussi d'évaluer les interventions. Donc là, je vous ai mis des exemples de scénarios préventifs. Donc sur la, alors là, ce que je vous ai présenté, c'est les fractions de risque attribuables chez les exposés. Donc, en d'autres termes, il s'agit de la proportion de cas de syndrome du canal carpien qui pourrait être évité, donc ici, parmi les ouvriers et les ouvrières, si ces catégories professionnelles n'étaient pas à sur-risque de TMS et, bien sûr, dans l'hypothèse d'avoir des stratégies de prévention efficaces. Et donc ça, c'est des données qui sont aussi, en fait, c'est l'étendue maximale de ces fractions de risque attribuables qui sont calculées à la fois à partir du réseau mis en place dans le Maine-et-Loire et dans le réseau mis en place dans les Bouches-du-Rhône. Et on voit, en fait, que chez les ouvriers et ouvrières, il y a une part non négligeable qui est attribuable au travail. Mais on voit aussi, chose importante, c'est que, quoi qu'il arrive, même si on faisait des campagnes de prévention totalement efficaces, l'ensemble des cas ne pourrait pas non plus être ne pourrait pas totalement disparaître. De la même façon, je vous présente un travail fait il y a quelques années maintenant par Maria Melchior sur les données du réseau. Et donc, ils étaient attachés chez les travailleurs à regarder l'effet théorique de la réduction de l'exposition à la force et à la répétitivité des gestes chez les travailleurs manuels. Et on voyait, donc sa dernière ligne, c'est les dernières petites barres en bas, que si on supprimait totalement la force et la répétitivité, on pouvait gagner chez les hommes 24% des cas et 31% des cas chez les femmes. Ce qui est non négligeable. Donc le réseau aussi sert d'outil d'évaluation des interventions en entreprise par le recueil de données de surveillance, donc via notamment le questionnaire EVAL-TMS qui a été développé avec Planet. Ça permet de faire un point zéro pour les actions de prévention à venir et ça sert aussi de données de référence en interne ou en externe. Ainsi, ça arrivait dans deux entreprises notamment, de faire un état des lieux et on comparait les données de l'entreprise avec un secteur équivalence pour trouver dans la population des Pays de la Loire. Ça leur permettait de savoir comment ils se situaient. De plus, à partir des données de surveillance, on essaye de développer des outils qui aident la prévention en entreprise. Ainsi, actuellement, une de mes collègues, sur un financement de l'ANSES, essaye de construire un score pour aider à la prévention des TMS et des lombalgies en entreprise à partir des données du réseau. Je vous avoue que le score marche à peine bien pour savoir qui est à TMS, mais il marche assez bien pour savoir qui n'est pas à risque de TMS. De plus, je voulais vous parler aussi d'une étude qui est en cours à construction dans une usine d'assemblage de camions, où là, c'est l'objet d'une thèse actuellement, où il y avait la comparaison de plusieurs méthodes d'évaluation. Donc, une checklist, un auto-questionnaire et une étude biomécanique avec capteurs biomécaniques et vidéo. Et en fait, on se rend compte que les résultats sont très, très différents en fonction de la méthode d'évaluation utilisée. Ce qui nous pousse à nous interroger sur la nécessité quand même d'affiner les questionnaires épidémiologiques pour coller au mieux avec l'activité réelle des personnes. Bien sûr, excusez-moi, j'ai pas suivi d'évaluation de quoi en fait. C'est la pathologie. Des expositions. Non, des expositions. Excusez-moi. Donc, en conclusion, on peut dire que l'apport du réseau, ça a été une forte, de prouver qu'il y avait une forte prévalence des TMS, associée à une forte exposition aux facteurs de risque. Un impact, on voit qu'il y a un impact élevé sur les parcours professionnels et un impact qui reste à quantifier parce qu'on l'a étudié, mais on parle trop peu sur la qualité de vie au travail. Une importance, du coup, on voit l'importance de l'approche multisource de la surveillance. Et en perspective, il est indispensable de faire évoluer les outils pour la surveillance des nouveaux risques, notamment liés à l'évolution du monde du travail. Enfin, concernant la prévention, les leviers de prévention collectif identifiés sont la réduction de l'exposition au risque de TMS, la réduction de l'incidence ou de la prévalence, l'impact individuel et l'impact collectif, et le manque d'évaluation des interventions pour le moment. Il y a un effort surtout à faire sur la coordination, avec un réel pilotage d'une régionale de la santé au travail dans une logique de santé publique. Et on voit l'intérêt du réseau de surveillance épidémiologique qui aide à la planification des interventions à échelle populationnelle et à l'évaluation. Enfin, je vous invite à consulter les sites de l'IES et du dossier thématique TMS et aussi le site internet du LEST. Je vous remercie. Est-ce qu'on pourra voir le document que vous avez présenté? Oui, celui-là, il n'y a pas de problème, il n'y a rien de. Je ne sais pas combien de temps ça vous récupère, je peux le mettre d'ici lundi sur le site. Oui. Oui, je vous l'enverrai. On a un blog, on vous reviendra à l'adresse, mais on a un blog où on dépose les supports avec l'accord des présentateurs et des résumés aussi des interventions un peu en différé, mais. Et les enregistrements audio. Oui, alors, merci de cette exposé, qui a quand même plusieurs remarques critiques de ma part. Donc d'abord, moi en tant que médecin du travail, ce qui m'intéresse, c'est l'individu et le collectif. Dès que le salarié ou les salariés se plaignent d'eux, je me dois d'alerter et de faire agir l'employeur pour qu'il supprime les causes possibles de TMS. Première chose. C'est la plus importante dans la prévention primaire. Hein. Après, il faut que l'employeur paye ce qu'il a à payer pour les dégâts qu'il fait. Secondo, sur les chiffres que vous donnez, sur la question de l'épaule. Effectivement, on voit que dès que le tableau 57A de l'épaule est rentré en vigueur, il y a une baisse automatique et mécanique du nombre de maladies professionnelles des épaules. Alors que la réalité n'est pas là. La réalité, je suis pratiquement sûr, il y a une augmentation de ces maladies-là. On a resserré les critères, tout ça pour que les réparations se fassent le moins possible et que la sécurité sociale, la caisse AT-MP ne paye pas, mais qu'on fasse payer la caisse générale assurance maladie. Et que les employeurs soient dédouanés de ces maladies professionnelles. Troisième remarque, ce sont des notions extrêmement dangereuses que vous soulevez. La part du haut travail. Les employeurs, et je vois au niveau français, au niveau européen, c'est la même chose. les employeurs sautent dessus pour dire ah, mais cette dame-là, elle a une TMS parce que elle, c'est une femme et elle est ménopausée. Donc c'est pas du haut travail. Donc on n'a pas à payer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que la part attribuée à votre travail fait que les employeurs s'engouffrent dans cette brèche pour éviter de payer ce qu'ils ont à payer. Et la notion de la susceptibilité individuelle. C'est excessivement dangereuse. On en voit les conséquences. Qu'est-ce qu'on va demander? Qu'est-ce que les employeurs et les gouvernements et la Commission européenne demandent aux médecins du travail? C'est de faire de la sélection. C'est-à-dire de chercher les susceptibilités individuelles pour les sortir du travail, pour ne pas qu'il y ait de maladies professionnelles. Ou pour qu'on pose pas la question essentielle de l'adaptation du poste du travail à l'état de santé du salarié ou de la salariée. Ça, c'est tout à fait hors prévention, ça. Il n'y a pas de prévention. Et tertio et dernier remarque, je dis qu'il y aura prévention des troubles musculosquelettiques. Et on sait que quelles sont les organisations du travail, quelle politique de recherche de compétitivité et de concurrence amène ces troubles musculosquelettiques. Donc, c'est là-dessus qu'il faut agir. C'est sur ce facteur-là. Et puis j'ai oublié le fil de ma pensée. Excusez-moi, étant retraité un peu vieux. Sur ces questions-là, il ne faut pas employer des arguments techniques, c'est une question politique. Les troubles musculo-squelettiques posent la question de l'organisation du travail et de la politique des entreprises et la politique des gouvernements et de la Commission européenne et de la mondialisation capitaliste. Ah oui, voilà, ce que je voulais dire, c'est que sans avoir une prévention, ce n'est pas par des études épidémiologiques qu'il faut, ça peut nous donner une aide, mais c'est l'action des travailleurs et de leurs syndicats qui feront diminuer les troubles musculo-squelettiques. Il faut que les travailleurs et les organisations syndicales partent du travail réel du salarié, des travailleurs, pour imposer d'abord que l'employeur fasse une évaluation des risques avec un document unique, ce qui n'est pas fait, et que second tour, par conséquent, son employeur doit mettre une politique de prévention. Et là, il n'y a que les travailleurs et leurs organisations syndicales qui peuvent créer le rapport de force pour obliger les employeurs à faire. Sinon, on n'aura pas de prévention primaire. On aura simplement une gestion des risques qui n'apporte rien aux travailleurs sauf que des malheurs. Voilà ce que je voulais dire. Très certainement, mais l'objectif de la surveillance est de documenter la situation et de pouvoir montrer l'impact au niveau de la population. Oui, mais quand on sait qu'une organisation du travail donne une TMS, on n'a pas besoin d'études épidémiologiques, il faut agir tout de suite. Mais il faut le montrer que cette organisation du travail... Quand on sait qu'une substance est cancérigène, on n'a pas besoin d'études épidémiologiques pour démontrer qu'elle est cancérigène. On sait qu'elle est... Mais justement, les entreprises se sont aussi longtemps cachées derrière le fait qu'il n'y avait aucun chiffre et que du coup, c'était absolument pas capable de quantifier et que de ce fait-là, vu qu'on ne pouvait pas quantifier, c'est absolument pas lié au travail. Là, au moins, on montre qu'effectivement, il y a un lien avec le travail. Et où je vous rejoins aussi également, c'est que, a priori, il ne me semble pas avoir dit que l'épidémiologie allait régler le problème de la prévention. Parce qu'effectivement, si on ne fait que de l'épidémiologie, je vous confirme que la prévention, elle ne va pas avancer. Ensuite, moi, je reviendrai sur les statistiques des maladies professionnelles. La surveillance épidémiologique, ce ne se limite pas du tout à cela. Vous l'avez vu avec des études de cohorte dans les entreprises. Et concernant les plaintes, comme vous dites, justement, on utilise également des questionnaires comme le questionnaire de Nordic, qui est la déclaration par le salarié des symptômes. Et on mesure les prévalences de ces symptômes déclarés. Donc on ne se limite pas du tout à la déclaration en maladie professionnelle où on sait très bien qu'il y a une sous-déclaration importante. Mais quand on détruit les outils comme la médecine du travail et l'inspection du travail, vous n'aurez pas les données. Vous êtes plus clair. Oui, je suis un peu navrée d'entendre ce que vous dites parce que, je veux dire, si vous êtes logique, ce qu'il faut que vous demandiez, c'est qu'il n'y ait plus de séminaire comme le séminaire d'aujourd'hui. Hein, et et qu'on renonce à demander aux épidémiologistes de parler de ce qu'ils font. Et qu'on suggère qu'il n'y ait plus, que plus personne ne fasse d'études. Enfin, je veux dire, jusqu'où allons-nous ? Enfin, bon, si nous, on est épidémiologistes, on considère malgré tout, que parfois on fait un travail un peu utile. Donc, si on nous dit non, vous faites un travail complètement inutile, je veux dire, moi, je vais aller faire autre chose. Je ne fais pas ma présentation tout à l'heure si je dois me faire insulter. C'est un peu non. Ça, quand même. Moi, je pose des problèmes, je n'en débat. Peu à ça. Je n'en débat. Voilà, ce que vous venez de dire, vous mettez au débat. En fait, je crois que ça résume assez bien dans la situation. C'est-à-dire que tout le monde a raison, quelque part. Aussi bien les épidémiologistes ont travaillé, donc dans la lettre pionnière, sur la question de la mise en évidence des relations entre travail et TMS. C'est vrai que les travailleurs et les personnes qui étaient sur le terrain savaient depuis des années. On n'a pas, les gens qui travaillent n'ont pas attendu que les études soient faites pour constater qu'à force d'avoir des mouvements répétitifs, ils avaient des tendinites ou des choses comme ça. Ça, c'est clair. En revanche, ce n'était pas suffisant, et c'est probablement pas suffisant dans le débat politique pour pouvoir faire avancer les choses. Donc ça apporte sa pierre. Alors après, là où on peut poser des questions, et c'est une question qui est difficile à laquelle il est difficile de répondre pour nous, quoi. Moi je suis épidémiologiste, je suis ergonome aussi au départ, de trouver un bon équilibre entre une surveillance épidémiologique qui ne soit pas trop lourde et qui ne coûte pas trop cher en même temps, mais qui ne renverse pas des portes ouvertes, on sait déjà, vous voyez, mais qui en même temps puisse continuer d'une part à surveiller, c'est-à-dire à voir si les risques ont diminué sur le terrain, et d'autre part éventuellement à mettre en évidence des situations sur lesquelles on n'aurait pas vu qu'il y avait des situations d'exposition qui en rendraient les TMS, voyez, par exemple. Donc en fait, le débat est intéressant, mais effectivement, il faut continuer dans tous les domaines, aussi bien dans le domaine de l'action syndicale que de l'action par les travailleurs eux-mêmes, de l'analyse de leur propre travail, après d'un relais auprès du médecin du travail ou auprès d'autres instances, d'ANAT ou je ne sais quoi, que dans les agences ou les instituts de recherche qui font ces études et qui continuent d'augmenter la question, parce qu'on est loin de tout savoir. D'accord. Oui, il y a deux Robin Schultz qui est d'accord. Je vais rétrécir le débat et sécher pour ma chapelle. Alors, si dans les systèmes de surveillance épidémiologique, vous repérez les secteurs professionnels, est-ce que vous repérez aussi les entreprises pour aller au fond, est-ce que vous repérez par exemple des maladies professionnelles chez les conducteurs de transport de bas? Il y a des choses qu'on peut essayer de faire, mais après, on va être limité par la puissance en épidémiologie. Il faut quand même qu'on ait assez de cas, donc on va pouvoir le faire sur des populations ou sur des secteurs ou professions où on a assez de monde. Donc là, on avait 3710 salariés, c'est pas si énorme que ça. On va sûrement pouvoir aller plus finement sur des grosses études de cohorte, notamment Cosette et Constance, où il prévoit d'inclure 100 000 personnes, donc pas que des personnes souffrant de TMS, mais on peut penser essayer d'aller plus loin. Et après, une autre chose qui a été faite auprès d'une grande entreprise de transport parisien, pour pas la nommer, et auprès d'un... Vous voyez pas laquelle. Et auprès aussi d'une industrie pharmaceutique, ces entreprises-là ont voulu faire un état des lieux des TMS chez certaines populations de leur entreprise. Et du coup, elles avaient mis en œuvre le questionnaire et avaient comparé avec les secteurs d'activité équivalents dans notre population. Est-ce qu'on peut avoir accès à ces résultats ? Je ne pense pas. Non, mais après, c'est les entreprises qui s'en servent pour... Voilà, mais les calculs de fraction de risque attribuables à des secteurs d'activité ou à des professions apportent des réponses là-dessus, sans nommer une entreprise en particulier. Oui, si on prend une paire de tramway dérangée, on sait à peu près où c'est. Ah, mais ça, non, on va pas dire que c'est... Enfin... Et nous, à l'hiver, ça ne peut pas citer une douceur esprit en particulier. Oui, non, c'est pas ça l'entreprise en particulier. C'est vrai, je dis, est-ce qu'on peut parler d'entreprise? On n'a pas le droit de voir les bêtes, si c'est une entreprise. Non, on n'a pas la cité, juste. Juste, une grande entreprise de transport public. Oui, mais il n'y a rien à demander. Juste pour abonder à ce débat-là qu'on connaît aussi nous au Juste 93 par rapport aux entreprises qui ont pu exposer des salariés à des agents cancérogènes, on s'est déjà posé la question de géolocaliser les entreprises qui étaient repérées dans notre enquête et savoir de mettre à disposition cette information pour faciliter notamment des démarches de réparation. On a fait les démarches auprès de la CNIL et on nous a dit clairement qu'on n'avait pas le droit de finalement l'entreprise est une personne morale dont il faut préserver l'identité et donc on ne peut pas mettre en ligne des données même indirectement identifiantes, même un point sur une carte, c'est considéré comme pour l'instant indirectement nominatif. Et donc à ce titre, on ne nous a pas autorisé à le faire pour le moment. Comment vous pouvez repérer les secteurs professionnels? Les secteurs professionnels étaient repérés via les médecins du travail et qui remplissaient le code NAF sur l'examen clinique. Eux, ils ont le code. Dans le cas du transport public, mais nous, on serait en mesure d'identifier un prix, mais on ne va pas le. On serait au moins en mesure de. On ne va pas publier sur l'entreprise de transport. Ça, c'est sûr qu'on peut, on peut isoler tous les employés qui travaillent dans une entreprise de transport. Après, le souci étant, c'est est-ce qu'on a assez d'effectifs pour pouvoir présenter ces résultats-là? Sur 3710 salariés sur l'ensemble des pays de la Loire, je ne pense pas qu'on ait beaucoup de personnes qui travaillent dans une entreprise de transport. Et du coup, de ce fait-là, on ne va pas pouvoir analyser les données à moins de perdre un peu d'anonymat. Non, mais alors, ça dépend si on considère, si on est sur une approche événement sentinelle, on n'est pas sur une approche à avoir un effectif de taille critique pour faire des statistiques. On est sur repérer des endroits où il y a au moins un cas qui peut être indicatif de conditions de travail de nature à générer d'autres cas. Et à ce moment-là, on peut même s'interroger sur quel mode de signalement de cette information aux institutions qui sont en charge de protéger la santé au travail, donc notamment, vous n'êtes pas à la directe ou. Et qui sera en droit de signaler quoi, avec quel niveau d'information. Mais on s'est posé la question aussi parce qu'on est détenteur finalement d'une information sur des expositions cancérogènes possibles, y compris dans des situations de travail encore contemporaines, qui restent dans l'enceinte de notre petite équipe de recherche. Et à un moment, on s'est dit, est-ce qu'on ne devrait pas en parler à quelqu'un, quoi. Il n'y a même pas un devoir de communiquer cette information, même si nous, on n'a pas pu la constater directement. On a du mal à trouver une réponse, en fait. Vous êtes soumis au secret des affaires. Et si vous mettez cette communication en public, ils vont dire que c'est une atteinte à leur compétitivité et à la recherche de la concurrence. Ça, c'est la lecture un peu politique des aspects, mais je pense qu'il y a quand même des éléments de réponse qui se font. Il y a des réflexions à l'US et tout, donc c'est tout sur le fameux GAS. Là, oui, groupe d'alerte en santé de travail. Oui, il y a aussi. Effectivement, il y a des trois pays de l'Ontario. Et en fait, déjà, il y a ce procédé-là qui existe, c'est-à-dire qu'en fait, pas pour les TMS, je crois, j'ai pas entendu de cas d'alerte pour les TMS, mais il y a certaines pathologies, par exemple, il y a eu des cas de, je crois, d'asthme allergique qui ont été repérés dans certaines situations professionnelles par ce biais-là, donc par un réseau qui est pour l'instant informel, puisqu'il est basé dans des centres hospitaliers universitaires, mais qui après s'est organisé de manière à pouvoir faire le relais auprès des autorités compétentes. Donc ça existe, mais effectivement, alors que dans certains secteurs, cette vigilance-là est plus réglementée et formalisée, elle est moins sur l'aspect. Vous dites de vous pencher sur la nouvelle directive du droit des affaires et sur le problème de la protection des lanceurs d'alerte que vous êtes. Est-ce que ça, avec un réseau comme vous avez mis sur le bilan, est-ce que ça serait repéré? Est-ce que vous repérez, dit autrement, est-ce que vous repérez forcément toutes les maladies professionnelles que vous avez? Non, parce que là, c'est de l'inclusion. Il n'y a pas d'espace. Là, c'est de l'inclusion. Là, c'était de l'inclusion aléatoire de gens qui souffraient ou non de TMS. Il n'y avait pas que des cas de TMS, sinon on n'aurait pas pu calculer des prévalences. Et c'est surtout qu'on ne s'imite pas à la définition, au fait d'être connu ou pas en maladie professionnelle, parce que le fait d'être connu en maladie professionnelle, c'est quand même très restrictif par rapport au fait d'avoir une TMS. La question, c'est est-ce qu'on peut l'interroger? Est-ce qu'on peut déjà savoir? Je sais que c'est très restrictif par rapport au premier trimestre, mais est-ce qu'on peut avoir accès à un dossier où je parle comme maladie sur les maladies professionnelles qu'on connaît et arriver à identifier? Est-ce que c'est accessible ou est-ce qu'il faut y aller? Les données de maladies professionnelles, elles sont disponibles. Il y en a quand même pas mal qui sont disponibles en ligne, alors avec un an et demi de retard à peu près. Mais sur, en fait, en plus, elles sont assez difficiles à trouver parce qu'en fait, c'est des PDF et dans les PDF, il y a des fichiers Excel dedans, mais où il y a des fichiers Excel avec le nombre de maladies professionnelles par branche, par donc ça existe et ça c'est fait directement par la sécurité sociale, la branche risque professionnel. Mais par contre, le réseau des Pays de la Loire, il a pas du tout été mis en place pour dans cet objectif-là. Donc non, là, on ne pourra pas répondre. Mais là, c'est ces données-là, en allant sur le site risque professionnel, vous pouvez en trouver. Ouais. Et l'étude des Pays de la Loire, c'est sur un échantillon de la population, donc ça n'a pas de but de recenser de façon exhaustive les cas. Juste pour c'est intéressant, vos données, ce que le médecin du travail en retraite dit. Il ne faut pas le prendre mal parce que moi je crois que des échanges comme nous avons là mettent en évidence si vous faites votre travail tout seul de votre côté, si vous cherchez vous seul de votre côté, à un moment ça ne sert à rien. Qui va servir la fidélité de ce que vous faites? Nous, on a fait des travaux avec l'NRS sur les risques psychosociaux chez nous, on s'est servi des données, ils sont mis dans l'entreprise. Dès que ça a dérangé la direction a dit bon, on continue pas le travail, vous avez gratté, tout ça faisait mal. Notre directeur, qui n'est pas avare d'aller consulter, il s'est servi d'un des points que vous avez mis en évidence, sorti du contexte. Il nous a parlé de risque, quand il y avait un risque d'avoir des risques psychosociaux, ça pouvait venir d'hygiène de vie, par exemple. Il allait piocher un truc, il a mis ça sur la table. Nous, comme on avait un peu travaillé dessus, on a démonté son argumentaire. Et on a dit non, mais ce que vous dites, c'est faux. On a demandé à l'équipe, tout ça, enfin bon. Ce qui est important, c'est qu'on aille chercher l'information auprès de vous. Après, nous, on la digère, on analyse et on s'en sert. Mais nous seuls, on ne fera rien. Là où il a raison, notre collègue, c'est que la médecine du travail aujourd'hui, malheureusement, c'est une bonne chacun. Vous l'avez démontré dans une de vos diapos. Au départ, on a un nombre de médecins et à la finalité, c'est insignifiant pour continuer l'analyse. Aujourd'hui, les inspecteurs du travail, c'est exactement pareil. Aujourd'hui, vous avez un inspecteur, ça change tous les 6 mois. Nous, on a un référent CARSAT, il vient de changer, on va retrouver l'ancien, tant mieux, comme c'est possible. Et nous sommes tous des acteurs comme ça. Et il faut privilégier des colloques comme ça, des séminaires où chacun va prendre des adresses, des trucs, et on s'enrichit de notre culture. Nous, on a le terrain. On travaille souvent, nous, avec Robin, mais il y a des fois, on est obligé de le remettre au cœur du problème, parce qu'il part et il devient le chercheur qui cherche. Alors on tire par la manche et on le ramène au cœur du truc. Et là, ça lui fait du bien lui, hein. C'est clair. Hein. On le remet au centre du plan. Aujourd'hui, travailler pour le grand capital, on a un peu perdu, mais il reviendra à sa base. Et moi, je trouve ça vachement intéressant. Nous, on va repartir là, on va les gratter sur le site, sur le truc. On va recontacter nos chercheurs retraités, on va les remettre. C'est fondamental. Mais on est tous des acteurs. Le débat nuit à personne. Hein. Non, mais je pense que le débat... Les choses utiles, ça peut être en effet de demander des infos à des chercheurs plutôt que ouais, plutôt qu'autre chose. Voilà, on prétend pas nous faire la prévention à l'Institut de veille sanitaire. Nous, on peut l'aider et l'orienter, mais c'est pas notre mission. Voilà, les chercheurs ont un peu plus de marge de manœuvre pour, comment dire, il y a des gens qui sont dans des situations un petit peu plus institutionnelles ou un peu moins institutionnelles. Enfin, en gros, si on a des questions, on trouve les réponses. Mais hein. Je pense aussi que c'est aussi pour ça qu'à l'époque, l'IS a vu son intérêt à s'associer avec une unité de recherche qui est franchement pluridisciplinaire, parce qu'au LEST... Il y a des médecins, il y a des non-médecins, et parmi les médecins, il y a des médecins du travail, des rééducateurs, etc., etc. Et ça, tout ça, ça apporte une vision très pluridisciplinaire des choses et pas uniquement épidémiologique. Et je pense que c'est aussi ce qui fait avancer les données. Et de la même façon, la pluridisciplinarité est nécessaire au niveau collectif. Mais je pense qu'il y a aussi il y a aussi des avancées à faire sur le plan prise en charge individuelle des personnes, et avec des véritables coordinations du parcours de soins, où là actuellement il y a des études qui sont menées au laboratoire, où on voit que le médecin généraliste, il ne connaît pas le médecin traitant, le médecin du travail du salarié. Le salarié, ça fait 6 mois qu'il est en arrêt maladie à cause d'une lombalgie. On ne sait pas comment on peut le remettre au travail, parce que de toute façon, il ne peut pas reprendre son poste. En même temps, il va voir des kinés, il va voir des médecins de rééducation, mais il n'y a pas forcément une réelle coordination qui se fait. Et du coup, la nécessité d'avoir une coordination au niveau collectif, il y a aussi une nécessité d'avoir une coordination au niveau individuel pour la prise en charge de CTMS, je pense. Oui, j'avais une question qui prolonge un peu celle qui a été dite, mais peut-être un cran au-dessus. C'est-à-dire, sur cette question du lien entre épidémiologie et prévention, je pense que, enfin, pour moi, c'est clair le fait qu'on fait un tableau d'état des lieux et on voit où intervenir en priorité. Ma question, c'est est-ce qu'on peut vraiment faire ça en dynamique aussi ? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez évaluer à terme des politiques de prévention ? Est-ce qu'on peut faire un travail dynamique d'évaluation a posteriori d'une politique de prévention ? Et justement, et alors, la question, c'est à quel niveau de précision ? C'est-à-dire, est-ce que, étant donné les populations qu'il vous faut, est-ce que c'est pas en dessous du secteur, du secteur général, etc. Enfin, voilà, quel degré de précision on peut avoir dans cette logique, justement, dans une perspective dynamique. Puis alors, deuxième question, parce que je suis un peu en dehors du champ, et c'est vrai que je suis pas dans la branche sociologie quantitative, moi je travaille plutôt sur des données quali. Donc, et ma question, c'est est-ce que justement cet outil de prévention, il n'est pas lié justement aux épidémies de TMS, parce qu'elles sont assez importantes, en fait. Il y a un nombre de cas assez important dans les populations. Donc, est-ce que justement la TMS, c'est pas un peu une exception parmi les cancérogènes ou certains, enfin voilà, certains cancers qui ont des niveaux de prévalence qui sont beaucoup plus bas. Enfin voilà, est-ce qu'il n'y a pas une capacité à utiliser cet outil-là sur les TMS, parce que c'est très important comme pathologie. Enfin, voilà, vous comprenez ma question ? Je comprends votre question. Oui, ouais, voilà. Et effectivement, des systèmes comme celui qui a été mis en place en 2005, ça a fonctionné pour les TMS, parce qu'il y a une forte prévalence. Très concrètement, si on est sur des pathologies à 1 pour 1000, c'est pas 3000 personnes qu'il faut inclure, c'est beaucoup plus pour avoir des choses. Donc ça, c'est évident. Concernant votre première question sur la dynamique, l'évaluation dynamique, je pense que pour le moment, je pense qu'il faut dire non. Enfin, je pense qu'on n'est pas capable, parce que là, c'est des études ponctuelles quand même. Par contre, on peut imaginer qu'avec l'arrivée des nouvelles cohortes, on puisse peut-être mettre en place des choses un peu plus dynamiques et qui puissent être suivies dans le temps. De suivre l'évolution des prévalences de TMS. Après, pour réellement évaluer l'impact de la politique mise en place, c'est très difficile de faire le lien, parce que c'est toujours multifactoriel. Il y a des événements dans l'environnement, enfin, qui vont se produire, dans l'organisation du travail, etc. Donc c'est toujours difficile de vraiment établir le lien entre la politique qui a été mise en place et ce qu'on observe en termes d'évolution des prévalences de TMS. Comme pour les présidents et les chefs. Moi, j'avais une question sur la construction du réseau et son fonctionnement, et donc le jeu d'acteurs derrière, et comment ça s'est mis en place, quelle dynamique s'est mise en place, ou l'influence de quelles forces, de quels obstacles qu'il a fallu surmonter ou qui sont apparus en cours de route. Enfin, on est parti des acteurs de départ, mais après on... Mais parce que je ne maîtrise pas trop bien ce sujet. Ce que vous pouvez en dire. Ce que je peux en dire, c'est que le réseau localement a été animé par le laboratoire, donc par les chargés d'études et par les groupes-là, mais aussi par une forte implication des MIRT, et notamment d'Annie Touranchet, qui était là pour aussi dynamiser le médecin-inspecteur du travail. Du coup, qui était là pour dynamiser le réseau de médecins du travail, parce que c'est vrai que pour que ça tienne, du coup, le recueil a quand même duré assez longtemps. Il y a eu 83 médecins qui ont accueilli quand même 3710 salariés, donc il y avait quand même une certaine charge du travail, donc il faut quand même animer le réseau. Et c'est vrai que sans cette animation-là, je pense qu'on s'y serait pas. Est-ce qu'on ne peut pas dire que dans les pays de la Loire, le médecin du travail avait l'habitude de recueillir des données parce qu'ils avaient été associés à l'enquête de Francis Verianic, à l'enquête Esther de Francis Verianic. Annie Touranchet avait déjà un réseau de médecins du travail qui était prêt à remplir, à recueillir des données. Oui, bien. Ça pouvait jouer, c'est-à-dire que dans d'autres régions, il n'y avait pas, il aurait fallu partir de rien du côté des médecins. Il y avait rien, c'est-à-dire pas d'expérience, pas d'antériorité de recueil de données. Et puis il y avait déjà eu une enquête aussi TMS dans l'industrie de la chaussure, hein, ouais, qui avait déjà montré quelques résultats et du coup qui avait aussi, du coup les médecins étaient dans une dynamique et puis en plus ils étaient motivés aussi parce qu'ils voyaient qu'il y avait des résultats, ça pouvait produire des résultats et des résultats assez novateurs par rapport à ce qu'on connaissait à l'époque. Donc parce que c'est bien beau de demander la participation des médecins du travail, ils ont aussi autre chose à faire, mais s'ils arrivent à trouver leur compte dans les données qu'ils aident à produire, du coup, ils sont forcément plus réceptifs à l'étude. Il y avait quelques médecins du travail qui sont depuis, je ne sais pas si les gens qui sont encore en activité, mais on pourrait citer la retraite. Les gens qui avaient été aussi impliqués dans l'enquête de l'INSERM. Et qui étaient prêts à, probablement, hein, si on leur demandait un peu, prêts à repartir pour eux. Voilà, il est à la retraite maintenant. Celui à qui tu penses est à la retraite. Non, je pensais à une. Enfin bon. D'accord. Et oui, et dernière chose sur l'organisation du réseau, du coup, le DST était là pour mener les choses du point de vue scientifique. Gérer tout ce qui était avec ORCNIL, les orientations d'études. D'apporter aussi l'appui épidémio au réseau. Il y a aussi une petite question sur les liens éventuels avec l'enquête SUMER. Et est-ce qu'il est envisagé, du coup, dans SUMER, d'introduire des questionnaires, un questionnaire type nordique pour compléter la vision des contraintes biomécaniques? J'ai participé au dernier groupe de travail là, sur les risques physiques et on n'a pas parlé du questionnaire biomécanique. Je pense que ce serait trop lourd. Ça ferait trop lourd. Et sinon, oui, du coup, on étudie au sein du DST comme au sein de l'Est. Et d'ailleurs, l'étude sumaire, notamment en 2003, il y avait un suréchantillonnage au Pays de la Loire qui trouvait. Il y avait des choses assez intéressantes de trouver, par exemple, parce que du coup, sur Sumer, il n'y a pas du tout de données de santé. Mais du coup, on trouvait des associations de facteurs de risque, notamment travail à genoux et travail bras levés. Et du coup, ça mettait en évidence des co-expositions assez fortes. Et notamment, vous avez vu que dans la salle, là, va travailler sur un projet de co-exposition aux produits neurotoxiques et aux facteurs biomécaniques et l'impact de la co-exposition sur le syndrome du canal carpien. Voilà. Du coup, il y a des réflexions comme ça qui sont menées sur les expositions et les co-expositions. Une question. Du coup, le réseau vert, là, vous n'en avez pas du tout parlé, mais... J'en ai parlé, c'était les fractions de risque attribuables à la fin. Ça rejoint la question que j'avais, si je me demandais d'où vous aviez pris les coefficients de risque. Et en fait, les fractions de risque attribuables que j'ai présentées à la fin, ça venait du volet vert. Et en fait, le volet vert, on demandait aux médecins... pour le syndrome du canal carpien, on l'a fait en deux temps. On a fait le syndrome du canal carpien diagnostiqué et opéré. Et pour la hernie discale, on a considéré que la hernie discale opérée. Et en fait, on demandait aux médecins qui participaient de nous fournir les listings des patients opérés. Et nous, après, on les recontactait pour avoir les antécédents chirurgicaux, enfin médicaux et professionnels, pour pouvoir faire un lien entre la pathologie et l'emploi. Parce que le problème du PMSI, parce qu'on aimerait bien pouvoir n'utiliser que le PMSI, mais malheureusement, dans le PMSI, on a ni le secteur d'activité ni l'emploi. Donc, Oui, c'est une petite question qui va dans le fondement de celle d'Émilie sur, sur l'élargissement qui est en train de se produire au Lavis, en Bouches-du-Rhône et l'Île-de-France. Est-ce que c'est déjà fait? Est-ce que c'est en cours? Et surtout, ma question par rapport justement aux spécificités du réseau, à la fois de médecins qu'il peut y avoir en ville de la Loire, est-ce que vous arrivez quand même à élargir sur d'autres départements, justement, avec des configurations qui ne sont sans doute pas les mêmes? Alors, en fait, en Bouches-du-Rhône et en Île-de-France, ce sont des études ponctuelles qui ont été réalisées sur le syndrome du canal carpien avec l'aide des chirurgiens. Que pour les données de l'Île-de-France, celles-ci sont encore en cours d'analyse. Et ensuite, pour élargir, en fait, pour avoir des données qui ne soient pas centrées sur une région, donc on va plutôt travailler sur les cohortes, et les cohortes seront déployées dans plusieurs régions, en fait. Et en fait, pour compléter juste un peu, il y a eu cette volonté à l'époque de faire une étude dans un autre département, parce que à une époque le problème des Pays de la Loire, c'est que c'était très marqué comme étant région ATMS, alors que c'était pas spécialement vrai, mais comme il y avait une dynamique dans les Pays de la Loire sur l'étude des TMS, c'était aussi d'essayer de voir si c'était vraiment région ou département dépendant, ou si on le faisait à l'autre bout de la France, est-ce qu'on obtenait les mêmes résultats ou pas. En moralité, on voit que les résultats sont comparables. Et qu'a priori, c'est pas un effet local, ce qu'on trouve. Donc, c'était aussi pour donner cette force-là à nos données. Juste pour être plus précise, quand je dis les études de corps, donc c'est Constance et Cosette RSI et Cosette MSA. On a commencé à travailler sur les phases pilotes.